important n'est pas de se mettre à donner en justice de tous les dispositifs que l'Église se réfère à la vie de l'Église, jamais leurs idées, mais vous le savez. Enregistrer le rien. Enregistrer le rien. Enregistrer le rien. Plus qu'un son qui est loin, le rien vous pousse avec une sensation très... comme si quelqu'un vous poussait doucement dans le dos. Poussait doucement dans le dos. Et donc vous êtes au milieu de la scène grâce à ce fond d'air. On ne mesure pas assez l'importance. C'est quelque chose qui vous pousse au milieu. Vous le sentez sur... encore plus qu'un son qui est loin, le rien vous pousse avec une sensation très, très jolie et très agréable, comme si quelqu'un vous poussait doucement dans le dos.